Troisième théorie politique qui cherche à articuler liberté et sécurité, c'est ce qu'on va appeler le républicanisme, en nous appuyant notamment sur les écrits de Jean-Jacques Rousseau, donc le philosophe du XVIIIe siècle, sachant que le républicanisme est un courant plus ancien, dont on peut tracer les origines dans l'Italie de la Renaissance, et les auteurs de cette période eux-mêmes étant inspirés par des auteurs de l'Antiquité. Néanmoins, sur cette question de l'articulation entre liberté et sécurité, c'est vraiment chez Rousseau qu'on trouvera la réflexion républicaine sur ce point. Alors, pour Rousseau, le seul État légitime, c'est celui dans lequel c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui détient le pouvoir, qui contrôle l'État, sachant que le peuple, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des citoyens. Ici, Rousseau s'oppose frontalement à Hobbes, qu'il critique. Hein, Rousseau, il est absurde de penser que les citoyens pourraient abandonner leur liberté en échange de la sécurité. C'est un échange complètement déséquilibré. Cela reviendrait à se rendre complètement vulnérable et soumis à une autorité extérieure. Alors que pour Rousseau, se doter d'institutions politiques, ça n'a de sens qu'en vue de garantir notre liberté. Bon, donc Rousseau nous dit que cet État légitime, il va être le résultat d'une association entre des citoyens qui veulent vivre ensemble et qui veulent aussi se garantir mutuellement leur liberté et leur sécurité. Pour Rousseau, lorsque le peuple est souverain, il n'y a plus d'opposition entre sécurité et liberté. Pourquoi? Eh bien parce que les citoyens vont en exerçant leur liberté. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font les lois. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui font la loi. Et donc, puisqu'ils font eux-mêmes la loi, eh ben, en obéissant à la loi, ils s'obéissent donc à eux-mêmes. Donc la loi qui crée la sécurité n'est donc pas, ne vient pas limiter la liberté. C'est une manière d'exercer sa liberté, sachant que la loi, pour Rousseau, c'est quand même une protection. C'est ce qui protège de la volonté particulière d'autrui. Voilà, je ne suis pas soumis à un maître quand j'obéis à la loi, j'obéis à une règle. Cette règle est la même pour tous. Et puis cette règle, surtout, elle est le résultat de notre volonté, de notre délibération collective, hein, de la délibération des citoyens. Bon, évidemment, pour Rousseau, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de représentation politique, hein, c'est-à-dire que les citoyens n'élisent pas des représentants, ils font eux-mêmes la loi. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé par la suite, hein. Les régimes politiques que nous appelons aujourd'hui démocratiques ne correspondent pas à ce que souhaitait Rousseau, c'est-à-dire que nous vivons dans des gouvernements représentatifs dans lesquels les citoyens ne font pas directement les lois, ils élisent des représentants qui font les lois à leur place. Mais on pourrait dire, à défaut, au moins, la légitimité des représentants leur vient de leur élection, du fait qu'ils ont été sélectionnés, choisis par les citoyens. Donc, les citoyens, s'ils ne font pas eux-mêmes la loi, eh bien, indirectement, la loi vient bien des citoyens. Donc, tandis que le libéralisme politique avait pour conséquence l'établissement de l'état de droit, le républicanisme trouve un petit peu sa réalisation dans la démocratie. Qu'est-ce que c'est que en tout cas la démocratie moderne? C'est-à-dire une forme de régime politique dans lequel le pouvoir est contrôlé par les citoyens eux-mêmes, ou du moins dérive des citoyens par l'intermédiaire de l'élection, voilà, dans le cadre d'un gouvernement représentatif. Ce qui s'est passé, ça, ces théories donc, qui sont élaborées au XVIIe puis XVIIIe siècle, ce qui s'est passé ensuite, c'est que on a eu la Révolution française et puis le processus de démocratisation progressive des régimes politiques en France au cours du XIXe siècle, puis du XXe siècle. On pourrait dire voilà, plusieurs étapes, la Révolution française. La révolution de 1848 avec la déclaration du suffrage universel masculin, puis finalement le droit de vote accordé aux femmes en 1944, donc là, suffrage universel véritable. Bon, on pourrait se dire, tiens, voilà, on a eu une affirmation de la liberté individuelle, tandis que dans le modèle autoritaire de Hobbes, qui pouvait correspondre à l'Ancien Régime, eh bien, la sécurité primait sur la liberté. Au nom de la sécurité, on pouvait réduire la liberté. Eh bien, progressivement, la liberté se serait affirmée. Et donc, on aurait eu une victoire du libéralisme et du républicanisme. Ça pourrait être une manière de lire cette histoire. Bon, ce serait peut-être un petit peu naïf. C'est ce point sur lequel on va arriver maintenant, c'est que de dire que cette lecture un peu de l'histoire qui aurait vu une victoire de l'état de droit et de la démocratie, et donc de la liberté, eh bien, elle est un peu facile, elle est un petit peu naïve, pourrait-on dire. Et pour étayer cela, on va s'appuyer sur un auteur beaucoup plus récent, qui est Michel Foucault. Michel Foucault, c'est un philosophe qui écrit principalement dans la période des années 60, 1960, 70, 80. Il est décédé en 1984. Donc Michel Foucault, lui, relativise cette affirmation progressive des libertés individuelles et l'idée que, voilà, ça y est, dans le cadre de l'état de droit et de la démocratie, nous vivrions dans un régime avant tout fondé sur les libertés et que on aurait résolu un peu ce conflit entre liberté et sécurité. Voilà. Bon, pour lui, il cherche à relativiser cela. Il veut montrer qu'il y a surtout il y a moins de différence qu'on ne le croit entre les régimes démocratiques et les régimes qu'on qualifie d'autoritaires. Comment est-ce qu'on peut voir cela? Eh bien, dès lors qu'on s'intéresse aux pratiques concrètes par lesquelles ces régimes exercent leur pouvoir. Il faut s'intéresser à la façon dont le pouvoir s'exerce de façon directe sur les corps des individus. Pour Foucault, l'idée c'est que le pouvoir, c'est pas une propriété, c'est pas quelque chose qu'on possède. Le pouvoir, c'est un ensemble de stratégies, c'est un ensemble de dispositifs qui s'utilisent et qui s'exerce directement sur les individus pour les contrôler. Alors, et pour Foucault, enfin selon Foucault, ce qui s'est opéré au cours des deux derniers siècles, ce n'est pas tant une victoire donc du libéralisme et du républicanisme, de la démocratie et de l'état de droit, sur l'autoritarisme, et donc une affirmation des libertés individuelles, c'est plutôt un changement des techniques de pouvoir. Voilà. On a de nouvelles techniques de pouvoir qui en ont remplacé d'autres et qui s'exercent de façon très différente. C'est surtout ça qui a changé. Alors, sous l'Ancien Régime, ce que souligne Foucault, c'est qu'en fait, les autorités politiques, les autorités royales, elles ne disposaient en fait pas des moyens techniques, logistiques, humains suffisants pour exercer un contrôle très important sur la vie privée des individus. Ça, c'était pas, ça, ça échappait en partie à leur pouvoir. Alors, bien sûr, il y avait tout un tas d'autres autorités qui existaient, qui s'exerçaient, mais le pouvoir royal, lui, finalement, il exerçait son pouvoir comme il le pouvait, mais c'était forcément limité par les moyens dont il disposait. Pour pallier ses carences et affirmer sa puissance sur ces sujets, hein, le roi, les autorités royales, elles manifestaient leur pouvoir d'une façon spectaculaire. C'était notamment par les tortures et les exécutions publiques. C'est ce que Foucault appelle l'éclat des supplices. L'éclat des supplices, c'est-à-dire, voilà, on va sur la place publique, on va amener un condamné, on va lui infliger des tortures absolument abominables avant de le mettre à mort, aux yeux de tous. Eh bien, en fait, c'est une technique de pouvoir qui est exercée directement sur le corps du condamné pour faire peur à la population et pour montrer à quel point le roi est tout-puissant et combien il est dangereux de ne pas respecter sa loi. Donc c'était ça la façon de faire de l'Ancien Régime. Foucault nous dit l'Ancien Régime, il obéissait à une maxime, c'était un petit peu faire mourir et laisser vivre. Hein, le roi n'a pas le pouvoir de s'occuper de la vie privée dans tous les détails des individus, par contre il peut faire mourir l'individu. Il peut l'envoyer à la guerre et puis surtout il peut le mettre à mort sur la place publique et donc comme ça il manifeste toute sa puissance. Mais en fait, ces techniques de pouvoir, il se trouve qu'elles sont en fait, elles sont peu efficaces pour vraiment contrôler la société et puis elles sont très coûteuses. Et donc, à partir de la fin du XVIIIe siècle, puis tout au long du XIXe siècle, on va avoir un pouvoir qui se rationalise, hein, qui va mieux s'organiser, qui va mieux s'exercer d'une façon plus efficace, plus économique. Et donc on va avoir l'avènement de ce que Foucault appelle un pouvoir disciplinaire. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, l'affirmation de l'état de droit et de la démocratie, eh bien, ça se fait en parallèle avec l'affirmation d'institutions disciplinaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Il faut entendre des organisations sociales qui servent à contrôler et surveiller les individus de façon très détaillée, très précise, et qui vont les contrôler dans leur vie. Hein, c'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on a l'avènement d'un biopouvoir, d'un pouvoir sur leur vie. Et concrètement, ça se traduit par quoi ? Par le fait d'imposer des conduites, d'imposer des manières d'être disciplinées, d'inculquer des normes aux personnes. On va apprendre aux gens à se tenir droit, à marcher en ordre, à se lever à telle heure, à marcher d'une certaine façon. Voilà, c'est concrètement, c'est comme ça que ça doit se passer. Le modèle de ces institutions disciplinaires, c'est la prison. La prison, ce qu'il nous montre, Foucault, c'est qu'en fait, bon, la prison, ça pouvait exister avant, mais c'est vraiment seulement à partir de la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle que la prison va progressivement remplacer d'autres formes de punition, comme la torture ou les travaux forcés, comme punition par excellence. La prison va devenir le moyen par excellence de punir. Mais pourquoi est-ce que la prison devient le moyen excellence de punir ? Bien parce que la prison, c'est un lieu où l'on peut discipliner les individus, où on peut leur imposer des conduites, où on peut les mettre concrètement dans des cases dans lesquelles on les surveille, on les fait sortir à certaines heures, on les fait manger à certaines heures, quand on les fait sortir dans la cour, on les fait marcher en rang. Et donc, la prison devient un moyen d'imposer des normes de conduite à des individus récalcitrants. C'est pas un objectif de réhabilitation, ça. Foucault nous dit, ça c'est de l'idéologie, hein, c'est du beau discours, mais en réalité, le fondement de la prison, sa fonction, c'est de discipliner les individus. Mais ce qu'il montre ensuite, c'est qu'il y a tout un tas d'autres institutions sociales qui, elles aussi, participent à cette discipline de la société. C'est l'école, la caserne militaire, l'hôpital, voilà, et bien dans toutes ces institutions, qu'est-ce qu'on fait ? On impose des conduites aux gens, on les normalise. On cherche à mettre en place des dispositifs qui vont servir à mettre en ordre la société. Et ce que nous dit Foucault, c'est que tout ça, c'était très utile à la production. Hein, ça se fait en parallèle de la révolution industrielle, du développement des grandes entreprises. Et toute cette discipline, elle se trouve qu'elle est très utile à la mise au travail des gens dans les usines. Pour travailler en usine, pour que la production soit continue, pour qu'il y ait une division du travail très poussée dans laquelle chaque tâche est très parcellisée, mais il nous faut des travailleurs très disciplinés. Et donc pour discipliner les travailleurs, il faut les faire passer par ces institutions disciplinaires, par l'école, voilà, où on dit, voilà, levez-vous à telle heure, venez en classe, obéissez à des règles très précises. Bon, et puis on a tout un tas d'autres dispositifs pour les personnes qui d'une certaine manière ne respectent pas l'ordre nécessaire au bon fonctionnement de la société, de la production. On les fait rentrer dans ces institutions, on va les normaliser. Et donc c'est utile à la production, mais c'est aussi utile au gouvernement qui peut mieux contrôler, quadriller sa population, connaître sa population. Il peut relever des données, se servir de ces données pour mieux mettre en ordre la société qu'il contrôle. Et donc tout ça, ça nous amène à fortement relativiser cette idée d'une affirmation de la liberté. En réalité, ce qui s'est beaucoup développé, ce sont des techniques de surveillance qui permettent une sécurité dans des proportions qu'on ne connaissait pas auparavant. On pourrait dire qu'encore aujourd'hui, ce processus n'a fait que, d'une certaine manière, s'accentuer. C'est-à-dire que désormais, avec les nouvelles technologies de contrôle informatisé, voilà, de contrôle de données, de surveillance des personnes, les autorités disposent de moyens d'exercer un pouvoir, alors de façon beaucoup plus subtile. Hein, c'est ça qui est intéressant, ce que nous dit Foucault. C'est que le pouvoir traditionnel, le pouvoir d'ancien régime, il n'était pas très subtil, il était un peu grossier. Voilà, il se montre. On écartèle le condamné sur la place publique. C'est horrible, c'est manifeste, mais c'est un peu grossier. La technique de pouvoir moderne, elle est beaucoup plus subtile. On ne la voit pas. Et souvent, elle n'est même pas vécue comme pouvoir, mais elle existe bien comme pouvoir dans la mesure où elle permet de surveiller l'individu et de le normaliser, c'est-à-dire de lui imposer, sans même parfois qu'il s'en rende compte, des normes de conduite et de comportement.